bonjour, c'est moi le tigre en arrière-toi qui a pas fini de crier, j'l'ai pas mal argumenté. Je parle à planète Terre à tous ceux qui veulent mal faire, qui essaient juste de dissuader pour que j'les prenne par pitié. Mettons, on est dans mes affaires, je te virer le bas comme le calvaire. Je vais te pitcher fort par terre, reste de mars dans mon air. J'suis pas trop difficile, j'te laisse moi, il faut que j'file. Excuse-moi, faut que j'aille écrire, c'est ma colère qui doit sortir. J'suis une matraque à stress, je prie au God bless. J'transpire partout, jusque dans mes fesses. What? Ouais, c'est l'heure de ma sentence, il faudrait peut-être mieux que j'pense. J'ai prié pour pas en arriver là, j'ai travaillé pour plus baisser vers le bas. Yeah. J'ai fucké mes dernières semaines à force de me morfondre à peine. Toi j'ai fini t'écœurer, d'espérer pour réussir. Mon cœur il est en train de cuire. Yeah, vengeance.